So today, we start. Yes. 4th of June, year 2017, Sunday morning, we start the opening ceremony of our retreat. Now, after that, I mentioned about our what is the Vipassana meditation. I think you can understand the our Vipassana meditation, insight meditation, mindfulness meditation, the wisdom meditation. That is to research, to observe, to know about our life as real as they are. So how we can know that's in the reality and ultimate truth of our life? Nous sommes aujourd'hui le 4 juin 2017. Ce matin, nous avons eu notre cérémonie d'ouverture de la retraite et je vous ai expliqué en quoi consiste Vipassana. C'est très important de comprendre en quoi consiste cette méditation, qu'on appelle aussi la méditation de l'attention, la méditation de la vision pénétrante, la méditation de la sagesse. Cette méditation consiste essentiellement à investiguer le corps et l'esprit pour comprendre la vie, pour comprendre les choses telles qu'elles sont réellement. Et nous allons comprendre la vie en observant au niveau de la réalité ultime. C'est très important de comprendre comment il faut observer. Ce matin, je vous ai expliqué que le méditant doit toujours être dans l'instant présent. Il doit toujours observer les choses qui se manifestent dans l'instant présent. En général, l'esprit est toujours en train de penser au passé ou au futur. Il n'est que très rarement dans le présent. Pour maintenir l'esprit dans l'instant présent, il faudra fournir un gros effort pour développer l'attention. La concentration va ainsi se renforcer. Et c'est cette concentration qui va nous permettre de rester dans l'instant présent. Ce n'est que lorsque la concentration aura atteint un certain niveau, que nous serons devenus capables de nous maintenir dans l'instant présent, que la sagesse ou compréhension va pouvoir apparaître et se développer. Si nous ne fournissons pas cet effort, si nous ne développons pas notre attention, nous continuerons à penser, et si nous pensons, il n'est pas possible de voir les Il est important de savoir pourquoi on demande au méditant d'observer sans interruption. Si le méditant n'observe pas de façon continue, il ne réussira pas à comprendre les phénomènes physiques et mentaux qu'il tente d'observer. Ces phénomènes physiques et mentaux apparaissent continuellement en nous. Pour les voir, il faudra fournir un effort. Il faudra développer l'attention. Ici, nous pratiquons sur base des 4 fondements de l'attention. Pour purifier notre esprit, il faudra donc fournir un effort pour être toujours dans l'instant présent et observer dans l'instant présent. En général, l'esprit n'est pas capable de le faire parce qu'il n'est pas pur. L'esprit n'est pas pur parce qu'il est encombré par toutes sortes de choses négatives, des pollutions mentales, et ces pollutions mentales vont perturber l'esprit. Il faudra donc fournir un gros effort pour observer dans l'instant présent. Et qu'allons-nous observer? Nous allons observer les 4 fondements de l'attention. Le premier de ces fondements, c'est le corps physique. En pali, on dit kaya. On observe kaya, le corps physique. Le deuxième fondement, ce sont les ressentis. Les ressentis, c'est un phénomène mental. mais ce n'est pas la même chose que l'esprit lui-même, qui est le troisième fondement pour l'attention. Esprit et ressenti sont des choses différentes, leurs caractéristiques sont différentes et leurs fonctions sont différentes. C'est pourquoi ces choses ont été placées dans des catégories différentes. Et enfin, il y a les contacts sensoriels. Chaque fois qu'il y a un objet visible, il y a vision. Chaque fois qu'il y a un son, il y a audition. Une odeur, nous sentons. Un toucher, nous ressentons dans le corps. Une saveur, nous goûtons. Donc il y a les cinq contacts sensoriels, et ces cinq contacts sensoriels devront également être observés et constituent le quatrième fondement pour l'attention. Nous devrons donc observer ces quatre, établir notre esprit sur ces quatre catégories d'objets. Ces quatre catégories d'objets sont en fait la vie elle-même. En pratiquant ainsi, en établissant notre attention sur ces quatre catégories d'objets, nous allons réussir tôt ou tard à comprendre notre vie. Mais pour y arriver, pour étudier et surtout pour comprendre ces processus, pour les voir tels qu'ils sont réellement, il faudra fournir un effort, l'effort d'être attentif sans interruption, ce qui va faire surgir la concentration. Nous devrons observer également dans l'instant présent. Ce n'est qu'à ces conditions que nous pourrons voir les choses telles qu'elles sont réellement. Pour réussir à voir les choses telles qu'elles sont réellement, il faudra observer en suivant les instructions. En posture assise, l'objet primaire d'attention, ce sont les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Ces mouvements sont provoqués par la respiration. On appelle la respiration Kaya Sankara en pali, la chose qui va conditionner la vie. S'il n'y avait pas respiration, il n'y aurait pas vie. La respiration est également appelée anapana. Anapanasati, c'est l'attention à la respiration. Ces mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen sont donc provoqués par la respiration. Nous allons observer le mouvement. Nous allons observer le mouvement de soulèvement et ensuite le mouvement d'abaissement. En réalité, nous observons l'élément air. La caractéristique de l'élément air, c'est le mouvement. Nous observons donc l'élément air qui fait bouger l'abdomen. Nous devons essayer d'observer comme un enfant. On demande à l'enfant de fermer les yeux et d'observer son abdomen. En même temps, il doit étiqueter les phénomènes en répétant mentalement soulèvement lorsqu'il ressent le mouvement de soulèvement, abaissement lorsqu'il ressent le mouvement d'abaissement. Et il doit essayer d'observer ces deux mouvements de façon continue, sans interruption. Un enfant ne comprend pas beaucoup. Il ne comprend pas ce dont il s'agit, mais il applique les instructions. Il va donc observer comme il lui est demandé, en suivant les instructions, de façon ininterrompue, et très vite cet enfant va atteindre la paix et le calme. Il va également se sentir heureux parce que son esprit est devenu calme. Ce matin, je vous ai expliqué qu'il y avait beaucoup de méthodes pour atteindre le calme. Mais ici, nous ne nous contentons pas du calme. Nous méditons pour comprendre. Si nous observons les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, c'est pour comprendre en quoi cela consiste réellement. Au début, nous devrons fournir un gros effort pour être attentifs. Notre concentration va petit à petit se développer, mais ces facteurs ne sont pas encore très puissants. L'esprit est encore très vite distrait. Il y aura sans doute des bruits. Nous entendons des voitures, nous entendons des oiseaux, nous entendons le parquet qui craque quand quelqu'un se déplace dans la salle. Et tous ces sons, ces bruits, vont atteindre le tympan. Dès qu'ils auront atteint le tympan, l'esprit va partir. L'esprit ne sera plus sur l'objet primaire, il est occupé à écouter ces bruits et à les reconnaître. La concentration est perdue. Nous devrons alors faire l'effort de revenir au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Imaginons qu'il y ait un bruit, que notre esprit se mette à vagabonder à propos de ce bruit pendant 1 minute. Cela veut dire que la concentration est perdue pendant 1 minute. Donc, si vous êtes occupé à méditer et qu'il y a des objets extérieurs qui viennent vous distraire, essayez d'en être simplement conscient. Notez-les, abandonnez-les tout de suite pour revenir au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. C'est de cette façon que votre concentration va petit à petit se développer. Il est possible aussi qu'un objet devienne vraiment prédominant et qu'il le reste. Imaginons par exemple que vous ayez une sensation douloureuse quelque part dans le corps. Cette sensation n'est pas encore très forte. Vous revenez à l'abdomen, mais vous constatez que la sensation, au lieu de disparaître, s'intensifie. Vous n'avez alors plus de choix. Vous êtes obligé d'y aller puisque cette sensation est devenue prédominante. Vous allez l'observer attentivement en abandonnant l'objet primaire. Vous abandonnez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et vous dirigez votre attention au centre même de la douleur. C'est la douleur qui devient l'objet primaire d'attention puisqu'elle est prédominante tout le temps. Vous changez donc d'objet et vous prenez cet objet secondaire, cette sensation désagréable, comme objet primaire d'attention. Vous observez la douleur, vous observez ce ressenti douloureux et vous le faites sans interruption. Vous devez comprendre qu'il n'est pas possible d'observer deux objets à la fois. Si vous voulez réussir à concentrer votre esprit, vous ne devez jamais observer qu'un seul objet à la fois. C'est à cette seule condition que vous pourrez le comprendre clairement. C'est un peu comme si une personne voulait lire 2 livres à la fois. C'est impossible. Si elle veut comprendre la signification du livre, elle ne peut en lire qu'un seul à la fois. Notre but ici, lorsque nous méditons, c'est de comprendre clairement. Donc, il vous est demandé de n'observer qu'un seul objet à la fois. Il y a parfois certains méditants qui disent, oh, il y a énormément d'objets qui se présentent en même temps. Mais en réalité, s'ils regardent de façon pénétrante, ils pourront constater par eux-mêmes que ces objets n'apparaissent pas en même temps. Ils apparaissent tous de façon séparée. Nous allons donc pratiquer sur base des 4 fondements de l'attention. Nous allons observer ces 4 catégories d'objets: le corps physique, les ressentis, l'esprit et les objets mentaux. Toutes ces choses, tous ces phénomènes devront donc être observés. Mais il ne faut les observer qu'un seul à la fois. C'est à cette seule condition que vous pourrez développer votre concentration, que l'objet va devenir de plus en plus clair et que votre compréhension de l'objet va pouvoir se développer. Notre esprit doit toujours se maintenir dans l'instant présent. Mais c'est très difficile d'y arriver parce qu'il n'est pas habitué à rester dans l'instant présent. En posture assise, nous essayons de le maintenir sur l'objet primaire, c'est-à-dire les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, ou bien sur un objet secondaire comme les douleurs par exemple. Mais ceci ne suffit pas. Il faudra également être attentif aux pensées. Ceci est très important parce que l'esprit va très souvent se perdre dans les pensées. Il est toujours occupé à réfléchir à quelque chose. Il oublie de rester dans l'instant présent. L'esprit aime beaucoup réfléchir, mais toutes ces distractions, ces réflexions sont des empêchements. Il y aura également la somnolence et la torpeur. Cette somnolence va attaquer l'esprit du méditant. L'esprit petit à petit devient confus et il s'endort. Le méditant va alors perdre son temps. Nous avons donc 4 objets. Le premier, c'est l'objet primaire. Le deuxième, c'est l'objet secondaire, comme les douleurs par exemple. Le troisième, ce sont les pensées. Et le quatrième, c'est la somnolence et la torpeur. Il est très important qu'un débutant apprenne à noter ces quatre objets. Si une distraction ou quelque chose se manifeste, autre que les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, le méditant doit en prendre conscience objectivement, l'abandonner et revenir au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. C'est la façon correcte de procéder. S'il ne procède pas ainsi, sa concentration et son attention vont s'affaiblir. Nous sommes donc ici en retraite pour 2 bonnes semaines, mais en fait ce n'est pas très long. Il nous arrivera souvent de ne pas être dans l'instant présent. Si c'est le cas, comprenons que nous perdons notre temps. Nous devrons faire un effort pour rester toujours dans l'instant présent. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons progresser et rapidement. Mais l'esprit n'est pas habitué à rester dans l'instant présent. Il est toujours occupé à penser, à réfléchir, ou alors il somnole. Nous devrons donc fournir un gros effort et essayer d'être constamment attentifs. Si notre concentration, notre attention et notre effort ne sont pas encore très puissants, ce sera difficile. Au début, il y aura beaucoup de problèmes, mais après 2 jours, cela va devenir plus facile. Nous devrons donc nous efforcer de pratiquer avec patience. Le Bouddha lui-même a dit que l'esprit se complaît dans les pensées, dans les réflexions, dans la somnolence. Il y a même des gens qui pensent, qui croient que réfléchir, penser, c'est quelque chose de très bien. L'esprit s'est ainsi habitué à être agité. On le compare à un poisson qu'on aurait sorti de l'eau. Le poisson qui n'est plus dans son milieu naturel va s'agiter. Il faut essayer d'empêcher qu'il retourne dans l'eau, dans son milieu naturel, parce que là, il est très difficile à attraper. On fait en sorte donc qu'il reste sur la terre. On le voit s'agiter, mais après un certain temps, ce poisson va se calmer et il deviendra facile de l'attraper. C'est la même chose avec l'esprit. L'esprit se complaît dans les pensées, c'est son milieu naturel. Il déteste rester fixé sur un seul objet. Mais si vous faites preuve de patience et que vous maintenez votre esprit sur l'objet primaire, que vous ne lui permettez pas de retourner dans son milieu naturel, c'est-à-dire dans les pensées, il va progressivement se calmer. Il faudra, quelle que soit l'énergie dont il s'agit, cette énergie devra toujours être contrôlée si on veut qu'elle devienne utile. C'est la même chose avec l'énergie de l'esprit, la puissance de l'esprit. Il faudra la contrôler pour qu'on puisse l'utiliser utilement. Nous devrons donc faire constamment attention à ne pas laisser l'esprit retourner dans son milieu naturel. Il faudra s'efforcer de le maintenir sur l'objet. Si nous y arrivons, si nous réussissons à le maintenir sur l'objet, vaille que vaille, la concentration va se développer petit à petit. Si la concentration se développe, nous verrons l'objet de plus en plus clairement. Si nous voyons l'objet clairement, nous le comprendrons de mieux en mieux. Cette compréhension de l'objet, c'est la sagesse. Le but de Vipassana, c'est de comprendre que les phénomènes physiques et mentaux qui nous constituent apparaissent et disparaissent constamment et sont reliés entre eux par un lien de causalité. Ils sont en interaction. Si nous réussissons à voir cela, nous serons satisfaits de notre pratique. Et si nous appliquons les instructions qui viennent d'être décrites, nous allons pouvoir progresser, même au cours de cette retraite qui en réalité n'est pas très longue. Je vous encourage donc à faire l'effort d'être toujours attentif. Essayez d'être toujours dans l'instant présent de développer votre concentration et votre attention. La vision pénétrante de Vipassana va se manifester de plus en plus et vous allez développer votre sagesse. Au début, ce sera sans doute difficile. Vous devrez faire preuve de patience. Mais dès que vous aurez progressé, vous verrez que la satisfaction va s'introduire dans votre esprit. Vous serez heureux de votre pratique. Vous pouvez évaluer par vous-même, d'heure en heure, dans quelle mesure vous avez réussi à développer votre attention et votre concentration. Essayez de ne pas être paresseux, essayez de ne pas trop penser et de devenir agité, car si vous vous laissez aller à ces choses, vous ne progresserez pas et vous ne serez pas satisfait de votre pratique. Essayez de faire comme cet enfant de 9 ou 10 ans qui applique les instructions et qui progresse rapidement. Essayez d'éviter de laisser le poisson retourner dans son milieu naturel. Autrement dit, ne laissez pas votre esprit vagabonder et penser, car vous ne pourrez pas progresser dans ces conditions. Essayez au contraire d'être toujours attentif dans l'instant présent. Vous allez alors apprécier la méditation, vous allez comprendre de plus en plus et votre sagesse va se développer. So, I wish you all, may you all be able to control your mind and continuously to fast progress to that on our meditation. Sadhu, sadhu, sadhu.